Voici maintenant deux poèmes extraits des complaintes écrites entre 1880 et 1885. Complainte de la lune en province. Ah, la belle pleine lune, grosse comme une fortune. La retraite sonne loin. Un passant, monsieur l'adjoint. Un clavecin joue en face. Un chat traverse la place. La province qui s'endort. Plaquant un dernier accord, le piano clôt sa fenêtre. Quel air peut-il bien être? Calme lune, quel exil! Faut-il dire ainsi soit-il? Lune, ô dilettante lune, à tous les climats communes, tu vis hier le Missouri et les remparts de Paris, les fjords bleus de la Norvège, les pôles, les mers, que sais-je? Lune heureuse. Ainsi tu vois, à cette heure, le convoi de son voyage de noces. Ils sont partis pour l'Écosse. Quel panneau, si cet hiver, elle eût pris au mot mes vers. Lune, vagabonde lune, faisons cause et mœurs communes. Ô riche nuit, je me meurs, la province dans le cœur. Et la lune a, bonne vieille, du coton dans les oreilles.